Lettre à un correspondant américain. Прослушайте текст и скажите, почему Ален Берто часто ездит в Марсель и что он там делает. Je m'appelle Alain Berto. J'ai 14 ans. J'habite dans un village à côté de Marseille. J'ai deux frères, Robert qui a 12 ans et Pierre qui a 20 ans. Robert va toujours à l'école, mais Pierre, lui, travaille dans un garage près d'ici. Papa est cuisinier dans un restaurant à Marseille. Tout le monde dit qu'il fait une bouillabaisse excellente. La bouillabaisse est une soupe de poisson. C'est la spécialité de Marseille. Nous avons un chien qui s'appelle Médor, deux chats, Minou et Pompon, et 6 lapins. Nous allons avoir d'autres lapins avant la fin du mois. Médor va bien aimer ça. Il a 10 ans, mais il aime toujours chasser les lapins. Je vais au lycée à Marseille. C'est un lycée de garçons. Le matin, je prends l'autobus à 7 heures et en général, je ne rentre pas avant 6 heures du soir. Nous n'avons pas la télévision, mais le soir, je vais quelquefois la regarder chez un ami qui n'habite pas loin. Dans le village où j'habite, il n'y a pas beaucoup à faire. Il y a un cinéma et c'est tout. Mais papa amène souvent la famille à Marseille. Nous allons voir un film ou regarder les bateaux dans le port. Il y a quelquefois des bateaux de guerre qui restent 2 ou 3 jours. Papa dit qu'un jour, nous allons visiter le château d'If en bateau. J'aime bien jouer au football et au basketball et j'ai une collection de voitures miniatures. J'attends votre lettre avec impatience. Dites-moi votre âge, si vous avez des frères et des sœurs, les sports que vous préférez et ce que vous faites d'habitude là-bas en Amérique. Votre ami, Alain.